Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et c'est la toute demi-heure de l'émission de la saison, demi-heure que nous allons passer en compagnie de Cyril Barrette qui est professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval. Bonjour Cyril. Bonjour Valérie, ça va? Alors, oui, ça va très bien. Alors le studio a été enflammé précédemment par des questions de température. Maintenant on va parler de cornes et alors là ça va être le défi, c'est d'enflammer le studio autant en parlant de cornes que de parler de température. Ça met la pression, là. Voilà, exactement. Bah, déjà, c'est commencé avec la pression, on chauffe déjà. Alors, en fait, pour cette dernière émission, effectivement, on va s'intéresser à ces adaptations parfois extravagantes que sont les défenses, les bois, les cornes des animaux. Et la première question qu'on peut se poser à propos de ces appendices, ces excroissances, c'est en quoi c'est fait ? Le bois, ça suggère que c'est fait en bois, mais ça ne doit pas être du bois. Non, j'imagine. En fait, l'appellation bois vient du fait que chez toutes les espèces de cervidés, les bois sont branchus. Donc, on imagine que ça a l'air d'être une branche ramifiée. Mais en fait, c'est de l'os. C'est exactement la même composition que tout le reste du squelette de l'animal. Mm-hmm. Mais on parle de bois pour l'orignal, par exemple, c'est oui, ça? Oui. Mais est-ce qu'on parle aussi de bois pour le chevreuil? Oui, oui, oui. Tous les cervidés. Tous les cervidés, chevreuil, caribou, orignal, pour les espèces qui vivent ici, c'est exactement la même chose. Ce sont des bois. D'accord. On dit le panache. Oui, d'accord. Mais il y a des animaux donc, qui ont des bois, mais il y a des animaux qui ont des cornes, pourtant. Oui. Donc, je ne sais pas, le bouquetin, le chamois, donc ceux-là ont des cornes. Est-ce que c'est la même origine? C'est la même structure? Non, c'est pas la même structure du tout. La corne a un pivot osseux qui est un prolongement d'un os du crâne, l'os frontal, par-dessus lequel il y a une gaine, si on veut, en kératine. C'est le même matériau chimique, nos ongles ou les sabots de ces animaux. Donc, c'est pas du tout la même chose. Mm-hmm. Et il y a deux autres grandes différences, c'est que les cornes sont permanentes, elles ne sont pas caduques, et elles ne sont pas branchues. Mm-hmm. Peu importe la forme, qui peut être assez complexe, c'est toujours d'un seul trait, alors que les bois sont ramifiés, ou presque, et ils sont caduques. C'est-à-dire que l'animal, le mâle, les perd à chaque année. Mm. Mais donc, le bois, lui, il n'est pas soudé à un os en dessous, à l'os du crâne? Oui, il est soudé, mais temporairement. D'accord. Si on veut. Donc, il y a une excroissance de l'os frontal qui est de l'os vivant sur lequel est posé le bois qui est de l'os mort. Mm-hmm. Donc, ça reste comme ça pendant 5 ou 6 mois jusqu'à la fin du rut, jusqu'à la fin de la saison de reproduction. Mm-hmm. Et ensuite, il y a comme une couche de séparation qui se forme comme à la base du pétiole d'une feuille qui fait en sorte que le bois éventuellement tombe. Mm-hmm. On se retrouve avec une blessure sanguinolente sur le dessus du pédicule osseux qui va éventuellement se transformer en cicatrice, qui va se transformer en bois éventuellement avec une croissance très rapide. Mm-hmm. Donc là, donc il y a les bois, il y a les cornes. On a parlé des cornes pour les chevreuils, les bovidés. Les bovidés, c'est ça? Les Est-ce bovins. Que pour les girafes, par exemple, le rhinocéros, c'est la même chose? C'est des cornes non, aussi? Le rhinocéros, c'est encore autre chose. Ah. Le rhinocéros, quand on fait une coupe transversale de la corne, on a l'impression de voir des poils. Ce ne sont pas exactement des poils. Mais c'est des tubulures de kératine qui ont la même composition chimique que les sabots, encore une fois, et les cornes des autres espèces, mais arrangées différemment. Et chez le rhinocéros, il n'y a pas de pivot osseux à l'intérieur de la corne. Il y a simplement de la corne à 100%. Et la corne n'est pas soudée sur le crâne non plus. Elle est simplement posée sur une surface rugueuse. Mm-hmm. Donc ça, c'est très différent. C'est encore... La girafe, c'est encore autre chose. La girafe, c'est un simple bouton osseux sur le crâne recouvert d'une peau qui est exactement la même peau que le reste du corps. Donc, c'est la corne la plus simple de toutes les cornes qu'on connaît. Et question piège, Cyril, les escargots, ils ont des cornes aussi? Oui, si on veut. C'est pas la même chose? C'est pas la même chose du tout, parce que c'est pas du tout la même chose. Il y a des espèces d'insectes qui ont des cornes. Ah oui? Ces cornes sont en termes fonctionnels, en termes de forme, ils remplissent exactement le même genre de fonction. Ils sont utilisés de la même façon pour des combats que les cornes et les bois des mammifères. Mm-hmm. Alors, on n'a pas encore parlé dans tout ça des défenses d'éléphants, par exemple des défenses d'éléphants, du morse. Donc là, c'est autre chose. C'est ça, c'est encore différent. C'est plutôt une dent dans ce cas-là. Ce sont des dents, dents qui ne servent pas à l'alimentation. Mm-hmm. Donc c'est comme si la sélection naturelle avait pris des dents qui à l'origine servaient à l'alimentation, avait bricoler quelque chose qui ne sert plus à l'alimentation. Donc, les défenses d'éléphants, de narval, de morse, ce sont des dents. Le narval aussi. Le narval aussi. Le narval, c'est une incisive. Chez les morses, ce sont des canines. Chez l'éléphant, ce sont des incisives. Mm. Donc, la sélection a bricolé encore une fois. C'est ça. Donc là, finalement, dans ce cas-là, la sélection a bricolé à partir de quelque chose qui servait à manger. Puis elle s'est dit, bah, tiens, on pourrait se servir de ça pour faire une défense. Ou une, voilà. voilà. On imagine si on veut personnaliser la sélection naturelle, que la sélection naturelle s'est dit, tiens, on pourrait bricoler, ça pourrait être intéressant. Ouais. Alors que pour les bois et les cornes, c'est pas parti de quelque chose qui avait déjà une fonction. Non, voilà. C'est une invention à partir de j'allais dire à partir de rien. C'est jamais à partir de rien, mais c'est pas à partir d'une structure qui servait une autre fonction auparavant. Donc là, on voit un petit peu les différentes formes de cornes. Finalement, c'est quand même assez varié, là, les cornes, les bois, les dents. Donc on sait ce que c'est, mais on veut maintenant savoir à quoi ça sert, comment ça marche. Quand on parle de défense, on a l'impression que c'est pour se défendre. Voilà. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas de défense sans offense... Donc, ça sert aussi se battre. Oui, mais il faut corriger un petit peu, parce que quand on dit une défense, on pense à la défense contre les prédateurs. Ouais. Donc, ces structures peuvent servir à se défendre contre les prédateurs, mais c'est pas la raison qui explique leur origine. Leur origine, leur raison d'être, leur forme, leur façon de les utiliser, ce sont des raisons sociales. Ça sert au combat, entre autres, et tous les éléments qui tournent autour du combat. Mais accessoirement, une fois que l'animal a cette structure, il peut s'en servir pour se défendre. Donc, un orignal peut servir de ses bois pour se défendre contre les loups, mais c'est pas la présence des loups ou des prédateurs qui explique l'origine des bois. C'est un peu comme si on invente un couteau pour couper du pain, on peut s'en servir pour gratter de la peinture ou pour faire quoi que ce soit d'autre. Mais à l'origine, sa forme, ses structures, les gestes qu'on fait pour les utiliser, c'est pour trancher du pain, mais accessoirement, on peut s'en servir pour autre chose. Un peu comme les pattes d'un caribou servent à la locomotion. C'est la locomotion qui explique la forme, l'existence, la façon d'utiliser les pattes. Mais accessoirement, le caribou peut s'en servir pour creuser dans la neige, pour avoir accès au lichen, peut s'en servir pour se battre contre un autre caribou ou pour se défendre contre un prédateur. Donc, quand on dit que ce sont des défenses, l'éléphant a des défenses, il s'en sert pas vraiment pour se défendre contre les lions. D'accord. Mais ça pourrait arriver s'il est attaqué par des lions. Donc, il s'en sert pour se défendre contre un congénère? C'est pour attaquer et se défendre. Oui, vis-à-vis d'un congénère? D'un congénère. D'accord. Voilà, c'est la compétition particulièrement, puisque c'est presque toujours les mâles qui possèdent les cornes et les bois et les défenses. C'est vrai, c'est un point qu'on n'a pas abordé. Ça, c'est on a dit ce que c'était, mais c'est toujours les mâles qui ont des... C'est pas toujours les mâles. C'est les cervidés, c'est les cerfs, les orignaux, les caribous. Chez toutes les espèces qui existent, une quarantaine d'espèces actuelles, ce sont seulement les mâles qui ont des bois, sauf chez le caribou où la femelle a des bois, qui sont plus petits que ceux du mâle. Mais chez les bovidés, chez les bovins, qui ont des cornes... Les vaches ont des cornes, normalement. C'est ça. Alors, environ la moitié des espèces de bovidés, chez toutes les espèces de bovidés, les mâles ont des cornes. Mais chez à peu près la moitié des espèces, les femelles aussi en ont. Mais dans tous les cas où les femelles ont des cornes, elles sont plus petites ou plus fines que celles du mâle. Puis dans le cas des éléphants, les femelles ont leur défense aussi. Ont leur défense, mais qui sont réduites. Ça dépend de quel éléphant aussi. En Afrique, puis presque tous les individus ont des défenses, mais si on va chez l'éléphant d'Asie, il y a une proportion très importante des mâles même qui n'ont pas de défense. D'accord. Donc revenons donc à cette idée de combat vis-à-vis d'un congénère. Donc un combat pour faire valoir sa dominance, un mâle dominant qui veut acquérir des femelles. Voilà, c'est l'explication centrale de l'existence de ces structures. C'est une structure que Darwin explique par la sélection sexuelle et non pas la sélection individuelle ou la sélection naturelle individuelle qui parle de la survie de l'individu. Directement, alors que la sélection sexuelle parle du succès reproducteur lui-même, donc la survie des gènes. Et donc, ces bois et ces cornes servent au combat entre les mâles, essentiellement pour avoir accès à la reproduction avec les femelles. Donc, ils s'en servent vraiment comme arme de combat ou de défense, là, pour faire valoir leur supériorité par rapport à leur rival. Voilà. Alors, donc, les bois et les cornes servent, si on veut, d'affiche de la qualité génétique et de la qualité physique, de la santé, de la force physique du mâle. Et ce signal est honnête, puisque les cornes coûtent cher à produire, à transporter, à utiliser. Il y a des risques de mortalité. Donc, ça peut, comme l'affiche de qualité du mâle est honnête, ne peut pas être trichée, la femelle peut s'en servir pour choisir un bon partenaire. Donc, si elle choisit un mâle qui est plus âgé, qui a des plus grandes cornes, bien là, elle a une garantie que le mâle est de bonne qualité. Donc, ses fils vont tenir de leur père, comme on dit, et ses filles vont préférer encore, elles aussi, des mâles qui ont des grosses cornes ou des gros bois. Donc, vous voyez qu'il y a une sélection qui s'entretient par elle-même. Mais à ce moment-là, ça devient une arme de séduction, finalement, du mâle par rapport aux femelles. Voilà, c'est en même temps une arme de combat. C'est une seconde fonction. Il y a une seconde fonction qui est aussi une arme de séduction. C'est-à-dire que la femelle utilise ça comme critère de sélection du partenaire. Et est-ce que parfois, ces armes peuvent être tellement volumineuses? Tellement volumineuses, puisque finalement, elles feraient en sorte que les rivales restent tranquilles. Parce que finalement, un jeune mâle par rapport à un mâle plus mature et qui aurait une ramure plus imposante, peut-être que le jeune mâle, il va être intimidé, puis il va dire, celui-là, il vaut mieux que je le laisse tranquille, il est plus fort que moi. Voilà. Finalement, donc, il n'y aura pas de combat, simplement parce qu'il y en a un qui a une plus grosse ramure que l'autre. Voilà, c'est un aspect un peu contourné de la fonction de ces structures. Ça sert donc, comme on disait tantôt, d'arme offensive, d'arme défensive contre l'arme de l'autre. Ça sert pour la séduction, pour le choix de partenaire, et ça sert à éviter les combats. Ça peut paraître paradoxal, mais si l'individu arrive à détecter la motivation et les capacités, le degré de dominance d'un autre mâle juste à regarder son arme, ça va éviter les combats. C'est un peu une arme de dissuasion, comme les armes atomiques maintenant. C'est ça, oui, c'est ce que je disais. On a utilisé les armes atomiques une fois au mois d'août 45 à Hiroshima et Nagasaki. C'était des armes très destructrices, très efficaces, abominablement efficace, si bien qu'on s'est rendu compte qu'il fallait pas les utiliser, que c'était suicidaire de les utiliser. Donc, la même chose dans les combats, un mâle avec des petites armes qui oserait attaquer sérieusement un mâle avec des grandes cornes ou des grands bois plus grands que les siens, ça serait suicidaire pour lui parce que c'est certain qu'il va se faire tuer, il va se faire massacrer. Donc, ce sont des armes qui, paradoxalement, peuvent, entre autres, servir à éviter les combats. C'est ça, exactement. Mais là, donc, ça a l'air d'être une histoire de mâles, ces bois, ces cornes. Mais pourtant, vous disiez, il y a des femelles qui ont des cornes, qui ont des défenses. Donc, elles s'en servent comment? Qu'est-ce qu'elles en font de ça? Évidemment, une fois que la femelle a les cornes, comme par exemple chez les bovidés, et pensons à une antilope, l'antilope de Thompson, par exemple, une fois qu'elle a des cornes, c'est sûr qu'elle va s'en servir, puisque la corne a coûté quelque chose à produire et à transporter, la sélection naturelle, l'économie de la nature produite par la sélection naturelle fait en sorte qu'on peut facilement prédire qu'il devrait y avoir un avantage à avoir les cornes. Donc, chez les femelles, les cornes peuvent servir à établir et à maintenir une dominance entre les femelles. Ah oui? Ça peut servir aussi à se défendre à l'occasion contre un prédateur. Par exemple, une antilope qui est attaquée par des chacals peut servir de ses cornes pour le piquer, pour essayer de le faire fuir. Ces fonctions qu'on voit chez la femelle ou qu'on suppose chez les femelles, ça ne peut pas expliquer l'origine des cornes. Ce qui explique l'origine des cornes chez l'espèce, c'est les fonctions sociales qu'on a décrites juste avant chez les mâles. Donc, l'hypothèse la plus plausible, c'est que les femelles ont acquis les cornes par défaut. Par un aspect commun du développement des chez les mâles et les femelles. Dans le plan de fonctionnement, mais à un moment donné, chez les femelles, ça se développe pas entièrement. C'est dans le plan de fabrication, mais ça se développe pas entièrement chez les femelles. Oui, c'est ça. Pas autant que chez les mâles. Ouais. Donc, le meilleur exemple pour illustrer une structure comme ça qui existe par défaut, ce sont les mamelons chez les mâles mammifères. Donc, on a des mamelons qui ne servent pas. Alors, pourquoi on a des mamelons chez les mâles? C'est parce que le programme de développement des mamelles chez les femelles et a beaucoup de parenté avec le programme de développement de la poitrine ou de la peau chez le mâle. Donc, on se retrouve chez les mâles avec des mamelons qui ne servent à rien, qu'on possède par défaut. Chez les cornes des femelles, c'est un peu différent parce que ce caractère qu'elles auraient acquis par défaut peut finalement leur servir. Puisqu'elles les possèdent, elles peuvent s'en servir pour établir la dominance entre elles. Et les caribous, donc, elles, ce sont les seuls... Les seuls cervidés à avoir des... À avoir des bois. Elles, j'ai du mal à savoir ceux qui ont des bois et des cornes. À avoir des bois. Alors là, la question peut se poser, pourquoi les... chez les autres espèces, on n'en a pas? Bon, d'abord, si c'était vraiment des défenses, on s'attendrait à ce que les femelles aient des bois. Puisque la femelle est plus petite que le mâle, donc plus vulnérable à la prédation. Et la femelle est très souvent accompagnée de son gène qu'elle doit défendre. Exactement. Donc c'est une belle démonstration que ce ne sont pas des défenses contre la prédation. Donc, chez les femelles, les bois, on connaît la fonction des bois chez la femelle caribou grâce à un de mes anciens étudiants gradués qui a étudié le phénomène en détail dans le parc des Grands Jardins chez le caribou et qui a démontré que, il faut savoir que les mâles perdent leur bois au début de l'hiver à la fin de la saison de reproduction. Alors que les femelles conservent leur bois tout l'hiver, jusqu'à la naissance de leur enfant. Ils le perdent une ou deux journées après la naissance de leur enfant. Donc, chez les femelles, les bois servent à maintenir et à établir la dominance contre les mâles. c'en est risible. Tant que, ah ben oui, c'est drôle. Tant que les mâles ont leur bois, ils déplacent très facilement les femelles de leur cratère de nourriture dans la neige. Ils les déplacent de leur couche, juste pour qu'on dirait pour le plaisir de les déranger. Et aussitôt que le mâle perd ses bois, il se transforme complètement. Dès le moment où il perd ses bois, il devient subordonné aux femelles. C'en est risible. La femelle, il suffit que la femelle s'approche du mâle, puis le mâle se déplace. Ah, le oui? mâle quitte son cratère, lui cède la nourriture, même s'il est beaucoup plus gros et beaucoup plus fort qu'elle. Donc, on pense que les bois chez les femelles caribous servent surtout à avoir accès à la nourriture dans la compétition contre les mâles en hiver. Peut-être une question d'hormones aussi, de taux hormonal qui diminue peut-être avec ça, peut-être pas juste les bois. Oui, absolument, absolument. Tous ces phénomènes sont liés. Là, on parle des bois, mais les bois n'existent pas désincarnés du reste de l'animal. Exactement. Ça fait partie de l'ensemble de l'animal, bien sûr. Puis, donc là, on voit un peu mieux à quoi ça sert, mais il faut quand même, à quoi servent tous ces bois, ces cornes, mais il faut quand même expliquer pourquoi ils sont là. Donc là, on parlait tout à l'heure de sélection sexuelle, c'est ça? Parce qu'on peut se dire, mais c'est quand même encombrant des fois. Donc, c'est pas très économique finalement d'avoir, c'est surtout pour les cerfs ou les orignaux qui ont des bois tellement grands qui des fois ils s'entremêlent, il y a un combat, ils se mélangent ensemble et puis ils meurent. Ça peut être mortel pour les deux. Ça peut être mortel. Ouais. Donc il y a un coût quand même à ça. Oui, et ça coûte très cher à produire. Si on pense à l'orignal par exemple, un mâle orignal qui a un grand panache comme ceux que recherchent les chasseurs qui cherchent les trophées, mais les deux bois d'un mâle caribou pèsent autant que l'ensemble de son squelette. C'est énorme à porter. Et en plus, l'animal les perd à chaque année. Donc, à chaque année, il doit produire une quantité d'os équivalente à l'ensemble de son squelette. Ouais. Donc, la pensée darwinienne, la pensée évolutive, nous dit que si les coûts, comme on le constate, sont très élevés, il doit y avoir des avantages importants. Et évidemment, comme on l'a vu tantôt, l'avantage pour les mâles de posséder ces caractères, ces bois et ces cornes, c'est que c'est la porte d'entrée pour avoir accès aux femelles. Donc, un mâle qui a des plus petits bois, pour toutes sortes de raisons, est en meilleure santé, vit plus longtemps, survit mieux à l'hiver, mais les gènes qui encodent pour avoir des plus petits bois ne passent pas dans la génération suivante. Donc, les bois atteignent une dimension qui peut être très grande, mais qui n'est jamais trop grande. Et la sélection naturelle nous permet de définir quantitativement et objectivement le mot « trop ». C'est que les bois sont trop grands à partir du moment où ils nuisent au succès reproducteur. Donc, on se retrouve avec une structure, les bois ou les cornes, qui sont encouragés d'une part par la sélection sexuelle qui encourage la taille de plus en plus grande, mais encadrés par la sélection naturelle qui concerne la survie de l'individu qui établit un plafond sur la taille des bois. Donc, on se retrouve avec des bois qui sont jamais trop grands. Donc, la taille n'est pas maximale, mais elle est optimale, contrôlée par ces deux forces. La sélection sexuelle qui encourage les bois plus grands, mais la sélection naturelle qui impose un plafond. Donc là, ces formes gigantesques là sont justifiées, sont expliquées par le fait que c'est les mâles qui les portent vont transmettre leurs gènes finalement. Voilà. Donc on se fout un petit peu de eux du moment qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire avec les femelles, leur histoire s'arrête là. Voilà. Puis ensuite leurs gènes sont transmis, c'est ce qui nous importe, peu importe après si l'individu éventuellement peut-être qu'il va mourir ou soit il va perdre. Mais évidemment le mâle espère recommencer l'an prochain, donc on veut pas qu'il meure tout de suite. Ah oui, c'est ça, d'accord, c'est ça. Parce que je me disais les femelles, pourquoi les femelles n'en ont pas? Bon, il y a des femelles qui n'en ont pas, mais elles aussi, elles doivent transmettre leurs gènes. Oui, mais autrement. Autrement. Donc, elles le font en choisissant le meilleur partenaire, entre autres, et elles le font en s'occupant de leurs gènes. Donc, c'est une question d'investissement parental. La femelle investit beaucoup dans sa progéniture, le mâle investit beaucoup moins dans la progéniture, parfois presque rien, seulement les spermatozoïdes. Donc, le mâle, ce qui découle de ça, c'est que le mâle peut améliorer son succès reproducteur en ayant plus de partenaires. Donc, ce qui l'intéresse, c'est la quantité, le nombre de partenaires, alors que la femelle ne peut pas améliorer son succès reproducteur en ayant plus de partenaires. Donc, elle doit bien choisir le partenaire qu'elle aura à chaque année. Mais ça amène à une autre question, parce qu'on dit à ce moment-là, un mâle suffit pour féconder plusieurs femelles. Donc, pourquoi? Et puis pourtant, généralement, dans la nature, c'est 50-50. Vous dire, quand il naît un enfant, bon, ça va être un mâle, une femelle, il doit en être autant d'un côté que de l'autre. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un gaspillage du côté des mâles? Est-ce qu'il y a trop de mâles pour le nombre de femelles? Puis, est-ce qu'une femelle qui élève un mâle est peut-être pas en train de gaspiller son énergie, sachant que peut-être ce mâle-là sera pas celui qui se reproduira? Là, il y a trop de questions qui sont trop compliquées, mais je vais essayer malgré tout. Le rapport des sexes est 50-50 parce que c'est le seul rapport des sexes qui est fiable ou qui est stable à long terme. Bon, évidemment, puisqu'un mâle peut inséminer un grand nombre de femelles, si le rapport des sexes est 50-50, si un mâle insémine 10 femelles, on comprend qu'en moyenne, il y a 9 mâles qui sont privés de femelles. Oui. Donc, il y a une compétition féroce entre les mâles pour avoir accès aux femelles, d'où l'importance d'être gros et fort et d'être bien armé. Mais puisque quand le rapport des sexes est 50-50, on comprend que le succès individuel varie beaucoup entre les mâles, mais le succès moyen des mâles dans une population où c'est 50-50 est exactement égal au succès moyen des femelles, puisque le nombre de mâles est égal au nombre de femelles dans une population, et chaque individu qui naît a exactement un père et exactement une mère. Mm-hmm. Ça paraît banal de dire ça, mais il y a une conséquence fondamentale qui découle de ça. Imaginons que dans une population, il y a 20 mâles pour 80 femelles, une centaine d'individus, 20 mâles pour 80 femelles. On comprend là que le succès moyen des mâles va être 4 fois plus élevé que le succès moyen des femelles, puisqu'ils sont 4 fois moins nombreux. Ouais. Donc, si leur succès est plus élevé des mâles, on comprend que c'est avantageux pour les parents de faire des fils par rapport à faire des filles, puisque le succès moyen de leur fils sera 4 fois plus grand. Ouais. S'ils font plus de fils, vous voyez que là, la proportion des mâles va passer à 21%, 22%, 23%, jusqu'à arriver à 50-50. Si elles dépassent 50-50, là, c'est des femelles qui deviennent plus rares, donc le succès moyen des femelles va augmenter, ce qui fait que le balancier tourne toujours autour de 50-50, puisque le sexe plus rare est toujours avantageux. Ah, oui. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours 50-50, ou à peu près 50-50. Même si ce rapport des sexes 50-50 est un gaspillage pour l'environnement, puisque ça utilise des ressources pour nourrir des mâles qui servent à rien, et c'est un désavantage pour le succès de l'espèce, puisque si on avait plus de femelles, on aurait plus de progéniture dans la population. Mais comme Darwin nous l'a montré en 1859, c'est le succès individuel qui compte. C'est pas le gaspillage des ressources, puis c'est pas le succès de l'espèce. À cause de ça, le rapport des sexes est 50-50. Alors, je sais pas si je vous ai perdu, là. Je suis allé un peu vite là-dessus, mais ça permet de comprendre pourquoi c'est 50-50, ce qui est... C'est contre-intuitif. C'est pas logique. Ouais, c'est ça. C'est pour quelqu'un qui contrôlerait ça comme on contrôle la production d'une usine, trouverait que c'est un gaspillage. On a beaucoup trop de mâles pour rien. La plupart des mâles sont inutiles. Mais voilà, on est pris avec le fait que un des faits de la biologie, puis de la nature, puis de la vie, c'est que le succès reproducteur individuel, c'est ce qui compte et non pas le bien de l'espèce ou de l'écosystème. Mais on a l'impression, en vous écoutant, Cyril, que finalement, la sélection naturelle et la sélection sexuelle explique à réponse presque à tous les problèmes nous montrent des situations de la nature. C'est-à-dire que depuis Darwin, on a une réponse facile à première vue à toutes les questions pourquoi. Pourquoi le caractère existe comme il existe? La réponse à ça, au premier degré, est très facile. C'est si le phénomène existe, par exemple des grands bois ou des cornes ou la queue du pin, c'est que ce caractère contribue au succès reproducteur des individus et a contribué au succès reproducteur de leurs ancêtres. Maintenant, le défi de la science, c'est de savoir comment est-ce que ce caractère améliore le succès reproducteur. Qu'est-ce que le fait d'avoir des plus gros bois chez l'orignal permet d'améliorer son succès reproducteur? Donc, c'est là qu'est le défi. Mais la réponse aux questions pourquoi est toujours la même. L'économie de la nature est contrainte par la sélection naturelle. C'est à chaque fois, en tout cas, ça nous permet à chaque fois de mieux comprendre l'évolution. Là, ça nous a permis aussi de mieux comprendre les orignaux, les chevreuils, les caribous qui sont plus près de chez nous. Donc, merci Cyril pour toutes ces chroniques sur l'évolution et le comportement animal tout au long de l'année. C'est à chaque fois un plaisir de vous arrêter et de vous écouter. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient vous écouter et même discuter avec vous en dehors de Futur Simple, on peut mentionner que vous serez au Pub Galway mardi 30 juin prochain pour discuter sur la place du créationnisme dans la société. Donc là, un autre sujet. Un autre sujet facile. C'est ça. C'est organisé par l'Association des communicateurs scientifiques, mais tout le monde est bienvenu. Puis les détails sont sur la page Facebook de Futur Simple. Alors là, ça va vous ouvrir la porte, d'autres portes qu'on n'a peut-être pas beaucoup abordées d'ailleurs au cours de nos chroniques, mais on aura peut-être d'autres occasions. Oui, absolument, toujours avec plaisir. D'accord. Alors, merci beaucoup, Cyril. Donc, je rappelle que vous êtes professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval. Merci encore et je vous souhaite un bel été. Merci à vous aussi. Au revoir.